Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 65. De la connexion des vertus. Connexion des vertus morales dans la charité. La charité peut-elle exister sans les autres vertus infuses? La foi et l'espérance peuvent-elles exister sans la charité? 1. Les vertus morales sont-elles unies les unes aux autres? Les vertus morales sont parfaites ou imparfaites. Les imparfaites ne sont autre chose qu'une inclination naturelle ou acquise, qui nous porte au bien dans un certain ordre de choses. Prises en ce sens, les vertus morales n'ont pas de connexion nécessaire, telle qu'il y a du penchant pour la libéralité par sa constitution naturelle ou ses usages, n'en a pas nécessairement pour la chasteté. Mais les vertus morales parfaites, qui nous portent au bien en tout et partout, ont une étroite connexité entre elles, au sentiment de presque tous les docteurs. La force, en effet, privée de modération, de droiture et de prudence, n'est pas une vraie force. La prudence qui n'est pas unie à la justice, à la tempérance et à la force, n'est pas une véritable prudence. Tel est le raisonnement de saint Grégoire. Ensuite, peut-il exister quelque vertu morale parfaite sans la prudence? Non, elle doit nécessairement intervenir dans le choix des moyens qui conduisent à une fin. Réciproquement, il n'y a pas non plus de prudence sans les vertus morales. La prudence est la droite raison appliquée aux actions. Elle part de certains principes qui ne sont autres que les fins pratiques à l'égard desquelles les vertus morales nous disposent. Ainsi les vertus morales parfaites sont nécessairement unies. 2. Les vertus morales peuvent-elles exister sans la charité? De ces paroles de saint Jean, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Épître 3:14. Il est aisé de conclure que les vertus morales n'existent pas en dehors de la charité. Que, celle qui opère un bien en rapport avec une fin proportionnée à nos facultés naturelles, et que l'on acquiert par des actes humains, n'en soit pas toujours accompagnée, à la bonne heure, elles ont existé effectivement chez les gentils, mais les vertus morales infuses, qui produisent un bien surnaturel en rapport avec notre fin dernière, et qui nous sont communiqués d'en haut, la présupposent. Dans l'ordre surnaturel en effet, il n'y a point de vraie vertu sans la prudence infuse qui se règle sur la fin dernière. Or, une telle prudence requiert elle-même la charité qui met les hommes en bon rapport avec la fin dernière, dont on doit partir comme d'un premier principe. Il en est de même des autres vertus morales, elles ne sauraient exister sans la prudence, et, par suite, sans la charité. 3. La charité peut-elle exister sans les autres vertus infuses? Celui qui aime le prochain a rempli toute la loi. Romains 13, 8. Ces paroles de saint Paul nous font entendre que toutes les vertus morales infuses accompagnent la charité. On n'accomplirait pas toute la loi, si l'on n'avait pas toutes les vertus. Saint Augustin ajoute, la charité renferme en elle toutes les vertus cardinales. Dieu n'opère pas avec moins de perfection dans les œuvres de la grâce que dans l'ordre de la nature, où l'on ne rencontre jamais le principe de quelques actes sans y trouver en même temps tout ce qui est nécessaire pour les accomplir. Si la charité élève l'homme à sa fin dernière, elle est évidemment le principe de toutes les actions qui s'y rapportent. C'est une preuve que, conjointement avec elle, l'homme doit recevoir toutes les vertus morales qui le perfectionnent dans chaque genre de bonnes œuvres. Cela étant, il est indubitable que toutes les vertus morales infuses sont liées les unes aux autres, non seulement par la prudence, mais encore par la charité. Aussi quiconque perd la charité par un péché mortel perd toutes les vertus morales infuses. Note. Pour que l'homme agisse comme il convient dans l'ordre de sa fin, il faut non seulement que la charité le dispose vis-à-vis de la fin dernière, mais que les autres vertus morales lui donnent les dispositions convenables à l'égard des moyens d'y arriver. Les vertus morales infuses doivent donc accompagner la charité, si elles rencontrent quelquefois des difficultés dans les bonnes œuvres, c'est qu'elles ont à lutter contre des dispositions provenant d'actes antérieurs, ce qui n'a pas lieu dans les vertus morales acquises, dont les actes, en les engendrant, ont détruit les dispositions opposées. Voilà ce qui fait dire que tels saints n'ont pas telle vertu, quoique l'on en ait avec la charité le principe habituel. Fin de la note. 4. La foi et l'espérance peuvent-elles exister sans la charité ? Il y a le commencement de la foi, et la foi perfectionnée, le commencement de l'espérance, et l'espérance perfectionnée. La foi et l'espérance peuvent commencer d'exister sans la charité, mais, tant que la charité ne les anime pas, elles ne sont point des vertus parfaites. La foi, qui implique l'assentiment de la volonté, ne produit aucun acte parfait, si la volonté n'est point dans l'état où elle doit être. Il faut en dire autant de l'espérance, dont l'acte consiste à attendre de Dieu la vie éternelle, un tel acte n'est parfait que tant qu'on le produit d'après les mérites que l'on possède par la charité. 5. La charité peut-elle exister sans la foi et l'espérance ? Sans la foi, dit saint Paul, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Donc la charité ne peut pas exister sans la foi. Existe-t-elle sans l'espérance ? Pas davantage, la foi engendre l'espérance, et l'espérance conduit à la charité, comme nous l'avons vu ailleurs, question 62, 4. Qui dit charité, dit non seulement amour, mais amitié et affection réciproque, comme le marquent ses paroles, celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu en lui. 1 Jean 4, 16. Comment aurait-on pour Dieu cette amitié, qui est la charité, si l'on ne croyait pas à la possibilité de s'unir à lui, et si l'on n'espérait pas avoir part à sa société et à sa familiarité? La charité implique, de toute nécessité, la foi et l'espérance. Markandanarchive.org 2020. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.